Loin des appels de la vie mondaine, je parcours les ruelles de cette âme humaine. C'est propre à chacun quant à la forme, mais avec un fond commun tel une céleste norme. Mais où fais-je donc, je l'ignore. J'erre, qu'y a-t-il derrière ces gens? Rien d'autre que le désert. Flash amoureux m'accompagnant, rêver m'est devenu luxueux. Je dois tout abandonner, mais ce n'est pas sans regret. Je marche car il faut bien avancer sans cesser, ni penser que c'est vain. Je pétine les dogmes et des prêts à porter. Je ne veux pas que l'homme que je suis se laisse manipuler. Tout comme tous au-delà de mon moi, c'est l'humanité qui pousse mon responsable et ton roi. Telle est ma foi. Et dida, s'il vous plaît, laissez-moi arpenter seule ma voix. Et dida, à la recherche d'histoire, je suis marcheur comme il se doit. Et dida, pas la peur de haine armée, humanité criblée. Et dida, cette vie n'est qu'un pont, je me défie des maisons. L'insaisissable est mon seigneur, insatiable. J'avance avec vigueur, l'ineffable est mon labeur. Intraitable, j'agis avec rigueur. Au cours de mon histoire, des proches avaient placé sans doute en moi leurs espoirs. Mais leur miroir s'est brisé, je n'ai su que les décevoir. Veuillez me pardonner, seulement qui donc a su me voir. J'ai été ignoré, va vers ton maître, une concession là-dessus. La vie c'est d'abord je t'aime, bien que ce ne soit pas su. Le destin m'a emporté, tel le vent capricieux. Moi cet homme si empoté, j'ai senti l'appel des cieux. Je vois que le temps file et il est si précieux. Bien fou qu'il le gaspille, il est une grâce de Dieu. Je pétine les dogmes et idées prêtes à porter. Je ne veux pas que l'homme que je suis se laisse manipuler. Tout comme tous au-delà de mon moi, c'est l'humanité qui pousse en mes responsables et ton roi. Telle est ma foi. Et dida, s'il vous plaît, laissez-moi arpenter seule ma voix. Et dida, à la recherche d'histoire, je suis marcheur comme il se doit. Et dida, pas la peur de haine armée, humanité criblée. Et dida, cette vie n'est qu'un pont, je me défie des maisons. L'insaisissable est mon seigneur, insatiable. J'avance avec vigueur, l'ineffable est mon labeur. Intraitable, j'agis avec rigueur. C'est mon chemin, l'on ne cesse de tomber. Cela semble bien vain, mais l'enjeu est la dignité. La chute est permise, mais se relever est exigé. Humilité de mise, dans la ténacité. Chercheur de bonheur, notre place n'est pas ici. Souffrir est un honneur, lutte est ma vie. Guerre sainte, contre la vanité de mon moi. Plainte, fut-il à rejeter. Dans la simplicité du quotidien, se dépasser. Refuser de se laisser figer dans un portrait figé. Je piétine les dogmes, idées prêtes à porter. Je ne veux pas que l'homme que je suis se laisse manipuler. Tout comme tous au-delà de mon moi, c'est l'humanité qui pousse à mon responsable. Et un roi, proche Dieu est ma joie. Et dida, s'il vous plaît, laissez-moi arpenter seule ma voix. Et dida, à la recherche d'histoire, je suis marcheur comme il se doit. Et dida, pas la peur d'une armée, humanité criblée. Et dida, cette vie n'est qu'un pont, je me défie des maisons. L'insaisissable est mon seigneur, insatiable. J'avance avec vigueur, l'ineffable est mon labeur. Intraitable, je gis avec rigueur. Et dida, s'il vous plaît, laissez-moi arpenter seule ma voix. Et dida, à la recherche de soi, je suis marcheur comme il se doit. Et dida, pas la peur d'une armée, humanité criblée. Et dida, cette vie n'est qu'un pont, je me défie des maisons. L'insaisissable est mon seigneur, insatiable. J'avance avec vigueur, l'ineffable est mon labeur. Intraitable, je gis avec rigueur.